Salut tout le monde. Tiens, ça faisait une paye que j'avais plus ouvert les feux. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le mercredi 30 avril 2014 et c'est l'épisode 173. Ce soir, notre dictature préférée va vous parler de la vie et de l'œuvre d'un génie des mathématiques, David Hilbert. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette émission en mode dossier, le dossier de Nico sur Hilbert. Le pitch de la prochaine émission dans 15 jours très probablement, mais en fait aux dernières nouvelles serait dans une semaine. Et Robin, t'as une heure d'émission pour faire un pitch. On aura une quote. Et quelques plugs, annonces, et c'est tout. Alors autour de notre table virtuelle, on a, vous l'avez reconnu, Nico à Paris. Salut Nico. Salut. Robin à Paris lui aussi. Salut. T'es de retour parmi nous Robin pour quelques temps là? Le bouquin se termine, donc je commence à récupérer un tout petit peu de temps, ouais. Merveilleux, ça fait plaisir. On a Irène à Santa Barbara, salut Irène. Bonsoir. Et puis moi, Alan, à Lausanne. Je vous propose qu'on y aille, là, d'emblée, direct. Nico, tu nous parles de quoi? De David Hilbert. Et puis, histoire de commencer en toute douceur, je vais commencer par une anecdote pour placer un peu le personnage. Hilbert bossait dans une université où il y avait un autre grand mathématicien qui s'appelait Klein. Et Klein, après avoir obtenu la plus prestigieuse marque de reconnaissance allemande, alors le GM-Rat, je ne sais pas comment on prononce ça, il insistait toujours pour se faire appeler par ce titre. Et du coup... Geheimrat. Ouais, bon voilà, ce qu'a dit Alan, quoi. Et donc on peut se demander comment Hilbert, lui, qui était dans la même université, se faisait appeler. Et un de ses anciens étudiants a répondu tout simplement « Hilbert ?» Lui, il s'en fichait, c'était le roi, c'était Hilbert. Donc voilà, ça place un peu les choses. Hilbert, même de son vivant, était déjà connu, il était déjà une légende, et aujourd'hui encore, il fait partie des plus grands mathématiciens de l'histoire, et en tout cas de l'histoire récente des mathématiques, et il est très très important dans la construction des mathématiques entre guillemets modernes, et on va tâcher dans ce dossier de comprendre un peu pourquoi. Je vais commencer par un petit... te prévenir tout de suite. Je vais avoir du mal à parler de tout ce dont a fait Hilbert. Donc on va tâcher de présenter quelques-uns de ses travaux, au fil desquels j'espère qu'on va appréhender le personnage, mais c'est certain que je ne parlerai pas de tout. J'espère que Robin sera là pour rajouter des éléments, parce que je suis sûr qu'il en a des sympathiques à rajouter. Mais voilà, c'est impossible de parler de tout ce qu'a fait Hilbert. On prévoit peut-être un jour éventuellement de parler de Poincaré, ce sera un peu le même topo des personnages comme ça qui ont fait tellement de choses que c'est très dur de parler de tout ce dont il a fait, mais on va essayer de placer un peu le personnage, vous allez voir qu'il y a des choses à dire, et à la fois au niveau caractère et résultat. Donc pour placer un peu, Hilbert est né en 1862, donc il y a un bon moment maintenant. Il a commencé par enseigner à Königsberg, alors je parle de ça principalement parce que Königsberg, pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux maths, ça rappelle quelque chose, c'est le problème des ponts de Königsberg, où on peut démontrer qu'on ne peut pas passer, dans cette ville il y a 7 ponts, et on ne peut pas passer par tous les ponts une seule fois dans la ville, on est obligé de repasser par un pont pour réussir à passer dans tous les ponts, voilà, c'est anecdotique, mais du coup la ville est connue pour tous les gens qui s'intéressent aux maths, et puis il a surtout travaillé à Göttingen, on en reparlera un peu. Il a fini sa carrière et c'est là où il publie la plupart de ses résultats importants et c'est devenu un très très gros lieu important au niveau du travail mathématique. Et son premier grand résultat important qui l'a fait un peu connaître, c'est la résolution du problème de Gordon ou Gordan. Voilà, le problème de Gordan en théorie des invariants. Et c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, là, je vais pas aller dans le grand détail, mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Dans l'idée, en maths, et ça, vous l'avez vu au lycée, à l'école, etc., quand on a un repère défini, donc les x et les y, on utilise souvent des équations pour représenter une courbe. Donc, il y a des équations d'une droite, des équations d'un cercle, et puis des équations un peu compliquées. Et si on change de repère, l'équation change du tout au tout, alors que finalement, on dessine toujours la même courbe. La théorie des invariants, ça consiste justement à essayer d'étudier qu'est-ce qui change pas quand on change de repère. Et c'est-à-dire, en fait, en gros, les caractéristiques de la courbe, propres à la courbe qui change pas. En 1868, Gordan montre un premier résultat important dans ce domaine, donc dans la théorie des invariants, des choses qui changent pas quand on change de repère pour une courbe. Et pendant 20 ans, personne ne parvient à aller plus loin. Et là, vous me voyez venir, jusqu'à ce que Hilbert publie son premier résultat sur le théorème de Gordan. Donc, je ne vais pas détailler ici ce résultat parce que c'est assez technique et ça n'a pas grand intérêt pour la suite. Par contre, le résultat fait polémique à l'époque et ça place un peu le personnage. Et ça fait pas polémique tant pour le résultat, mais pour la manière, l'originalité que prend ce résultat. C'est-à-dire que, bien que le but, bien que son travail démontre l'existence d'une solution à un problème bien précis, donc le problème de Gordon, il ne donne strictement aucun moyen de trouver ou de fabriquer cette solution. C'est-à-dire que là, on est dans la catégorie caricature du mathématicien tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il va dire « Ouais, ouais, c'est bon, ça existe, il y a une solution », mais il va pas vous aider une seule seconde pour comment trouver cette solution. Mmh. C'est une caricature, ça ? Bah, c'est l'image qu'on a aujourd'hui des mathématiciens, en tout cas. C'est pas une caricature, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive, mais qui arrive de plus en plus, d'autant depuis Hilbert, parce qu'avant, justement, on pensait qu'une démonstration, c'était plutôt quelque chose où on construisait la solution. Et lui, il arrive avec cette démonstration où il se contente de dire « Ah, je vous ai prouvé que ça existe, mais j'ai pas trouvé le moyen de le fabriquer, quoi. » Ouais, enfin, la preuve par l'absurde, ça existe avant lui, mais... Mais il y a souvent c'était souvent des preuves par l'absurde où finalement, on avait globalement une construction qui découlait, quoi. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup choqué à l'époque. Et en fait, tout ce que je vais dire là aussi, il faut se rendre compte que, comme dans toutes les histoires des sciences, on était à un moment de l'histoire des mathématiques suffisamment avancé pour qu'on se pose ce genre de questions aussi, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a pu avoir par le passé des résultats du même type, il a fallu avoir une certaine avancée dans la théorisation, l'axiomatique, pour se rendre compte que, tiens, il se passe quelque chose de chelou. Bon, c'est à tel point la polémique que même Gordon, qui est encore vivant et qui a donné son nom au problème, annonce que c'est pas des mathématiques, mais que c'est de la théologie. Bon, alors, heureusement, c'est une entrée en matière d'Hilbert qui le fait pas mal reconnaître, mais les débats durent pas longtemps, parce que quelques années plus tard, il donne une preuve qui finalement donne un moyen de construire la solution, et tout le monde est content. Alors, c'est quand même intéressant parce que ça place un peu le personnage, et dans sa preuve non constructiviste, donc sa preuve qui dit juste ça existe sans donner un moyen de construire, en fait, Hilbert, il étudie les choses de manière très générale, très abstraite. Il prend un jeu d'hypothèses qui est certes respecté par les invariants, donc le problème de départ, mais aussi par plein d'autres objets, et finalement, on n'a pas trop besoin de préciser qu'est-ce que sont ces objets, il déduit seulement des propriétés dont il a besoin pour faire la démonstration le sujet de son article. En fait, sa théorie est beaucoup plus générale et le résultat des invariants dans lequel il parle n'en est qu'une petite partie, tellement annexe pour tout vous dire qu'elle porte le nom de même pas le nom de théorème, mais de lemme. Alors, Robin doit savoir ce que c'est un lemme. J'imagine que toi, Alan, t'as jamais entendu trop parler de ce mot. Wow, je crois que je vous ai entendu en parler. Alors, je ne me rappelle plus trop, c'est une espèce de pré-théorie, c'est ça ? Alors, disons que voilà, en mathématiques, il y a une sorte de hiérarchie des résultats. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous êtes très très fier d'un résultat, que ça vous a demandé beaucoup de travail, et vous appelez ça un théorème. Ce que vous en déduisez directement sans trop faire de travail, c'est-à-dire un peu les en déduire que vous aviez à l'école dans les problèmes, c'est ce qu'on appelle un corollaire. Et après, un résultat intermédiaire, le plus souvent technique ou alors pas très passionnant, on appelle ça un lemme, quoi. D'accord. Donc là, le problème de Gordon qui fait avancer donc ce problème qui était vieux de 20 ans, il a appelé ça un lemme parce que dans sa théorie, dans ce qu'il a développé autour, c'était juste un détail, quoi. Ouais, c'est une étape pour démontrer le truc qu'on a vraiment envie de démontrer, en fait. Voilà. Et c'est assez rigolo, c'est que il y a des mots comme ça qui vont toujours ensemble dans n'importe quel langage. Il y a des expressions comme ça où deux mots viennent tout. Enfin, un mot vient jamais tout seul. Et un lemme, là, les trois quarts du temps, quand on parle de lemme, on dit un lemme technique ou alors un petit lemme. Ouais, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les lemmes, le plus souvent, c'est soit des choses très techniques et vraiment pas très intéressantes, mais souvent, des fois, assez dur à démontrer, ou alors des choses qui sont évidentes, mais il y a besoin de les mettre en valeur dans la démonstration pour dire c'est quand même quelque chose qu'on utilise là. Ok, on écrit comment ? Lemme ? L-E-2-M-E. Voilà, c'est encore un de ces mots qu'utilisent seuls les mathématiciens, mais qui est sympa. C'est cette perspective abstraite et l'article suivant qui donne une construction dont on vient de parler, en fait, ça marque la fin des principaux résultats de la théorie des invariants et ça ouvre un nouveau domaine d'étude de ces objets abstraits dont les invariants sont un exemple parmi d'autres. Donc Hilbert a complètement construit un nouveau domaine. Et à cette époque-là, ce qui est assez rigolo et qui place aussi un peu le personnage, c'est qu'il conclut lui-même en disant, après sa deuxième publication, « Bon ben voilà, les buts les plus importants de la théorie concernée par les invariants ont été atteints » et il annonce qu'il quitte définitivement la théorie des invariants. Veni, vidi, vici. Donc le personnage savait très bien ce qu'il était en train de faire et puis bon, ben, il démonte son résultat, il casse tout et puis il casse la baraque et il s'en va, quoi. C'est okay, ça ? Panache. Ouais, panache. Alors... Donc c'est ce que je disais, c'est que mine de rien, ce résultat important porte déjà la plupart des marques d'Hilbert. D'abord, c'est son côté bulldozer, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à un domaine dont en général il connaît pas grand-chose avant d'arriver, et il résout plein de choses qu'il y a à résoudre, ou en tout cas, il simplifie tellement les choses que ça ouvre de nouvelles questions et de nouveaux champs mathématiques. Et enfin, ce qu'on voit aussi ici, c'est que très souvent, il va raisonner en toute abstraction, sans forcément nécessiter un certain lien avec le réel, et là, on entre aussi vers un deuxième aspect qui paraît l'image complète des mathématiques aujourd'hui, et dont on a déjà eu souvent l'occasion de parler, c'est qu'il élimine tout lien avec le réel. Pour lui, les objets, on n'a pas besoin de les définir, on a juste besoin de leur donner des propriétés. Donc il s'en fout de travailler avec des invariants ou des tomates pour peu qu'ils respectent les bonnes propriétés. Un matheux, quoi. Voilà, un matheux. Mais en fait, ce que je... C'est un je peu... Suis mes... pas... Pardon, hein, ouais. Je suis pas complètement d'accord avec ça. C'est pas un matheux, c'est une sorte de matheux. Ouais, c'est une sorte de matheux d'une part, et d'autre part, un des éléments, moi, sur lequel je voulais insister, qui est un peu transparu de ce que j'ai pu lire, alors tu vas me dire, Robin, si je dis des conneries, c'est que ce que tu appelles un matheux aujourd'hui, cette image que tu as, je pense que c'est clairement la descendance, en fait, d'Hibbert. C'est venu un peu avec lui, ces idées-là et compagnie, et c'est ce que dit Robin, il n'y a pas que lui. Mais lui a fondé un peu cette façon de faire des maths et de penser les mathématiques. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Robin. C'est compliqué de dire qu'il a fondé cette façon-là de faire les maths. Disons qu'il a, poussé à, l'extrême, seul, ouais. Il a poussé à l'extrême quelque chose qui était en germe depuis longtemps et qui existait déjà depuis longtemps. Je veux dire, on peut dire que c'est Euclide qui a commencé par dire à partir du moment où on a bien défini les objets. Ça, on va en parler tout de suite, justement. Ce qu'on dit, etc. Lui, il a poussé les choses. Il y a une citation, je ne sais pas si tu l'as notée, à propos de chaises et de bière, là, je ne sais pas si tu l'as. Si, je vais en parler. Je ne sais plus si je l'ai mis ou pas. Oui, si, j'en parle juste après. Peut-être il a franchi une étape de plus, c'est possible. Voilà, une étape de plus, et quand je dis qu'il a transparu, on va en parler jusqu'à la fin du dossier, c'est que, en fait, la pensée hilbertienne, entre guillemets, et puis plus particulièrement toute la pensée qu'il y avait à Göttingen à l'époque, a un peu été diffusée dans le monde entier avec la guerre et avec toutes les personnes qui ont quitté l'Allemagne pour aller dans plein d'autres pays, quoi. Donc il y a un peu des traces de cette pensée-là et de cette façon de faire des maths qui existe encore aujourd'hui, même si, enfin, bien sûr, comme dans toute l'histoire des sciences, c'est pas un seul homme qui a tout changé, quoi. Mais lui a cristallisé des choses, en tout cas à Göttingen, était vraiment quelqu'un qui rendait vivant aussi le lieu, quoi. Du coup, je vais passer à la suite. Donc, après avoir quitté la théorie des invariants, il n'en finit pas complètement avec l'astration et il se dit « je vais aller me rendre utile dans un autre domaine ». Et donc là, il s'attaque pas à un petit truc, il s'attaque à l'axiomatisation de la géométrie. Donc c'est un peu ce dont parlait Robin là, c'est-à-dire pour vous replacer le sujet, les axiomes de la géométrie, ça a été défini par Euclide au 3e siècle avant notre ère, et depuis, ça a plus trop été touché, quoi. Mais lui, il se dit, bon, on est au XXe siècle, les axiomes d'Euclide, ils sont plus assez trop précis. En fait, c'était une pensée assez générale à l'époque. Les mathématiciens du XIXe siècle se disaient, bon, les axiomes d'Euclide sont bien, c'est un travail qui était important, mais on a besoin de plus de précision maintenant. Ça a besoin d'un coup de jeune, et c'est ce que va faire Hilbert, pas tout seul, mais qui va faire avec une autre personne dans ce qu'il a appelé les fondements de la géométrie. Alors, son travail dans ce domaine est assez bien illustré par l'anecdote dont parlait le Robin qui fit une fois à ses élèves. Il dit, on devrait pouvoir parler de géométrie en géométrie de table, de chaise et de chope de bière au lieu de points, de droite et de plan. Alors là, je suis d'accord avec lui. Voilà. C'est-à-dire que Hilbert, il ne s'intéresse pas du tout à ce que sont les objets droite et plan, il s'intéresse seulement aux propriétés qu'ils respectent. Le fait de savoir s'ils existent, s'ils sont représentatifs de notre monde, ne l'intéresse pas pour construire son axiomatique. Il se contente alors, pour seule définition, de choses abstraites de propriétés. C'est-à-dire, alors je vais vous donner un extrait de ce qu'il écrit. Là, il faut se préparer, mais c'est des mots simples, c'est juste que du coup, c'est très abstrait. Il dit « Nous pensons trois systèmes différentes choses. Nous nommons les choses du premier système les points. Nous nommons les droites les choses du deuxième système. Et nous appelons les plans les choses du troisième système. Entre les points, les droites et les plans, nous imaginons certaines relations que nous exprimons par des expressions telles que « être sûr »,« entre », »,« congru » ou « s'intersecte ». La description exacte et appropriée au but des mathématiques de ces relations est donnée par les axiomes de la géométrie. Donc voilà, dans le genre, je précise pas trop les choses, là on a des points, des droites, des plans, c'est des trucs, et on sait juste que ces trucs-là, on peut dire qu'un point est sur une droite, qu'une droite est sur un plan, mais c'est une expression qui a un sens au sens des axiomes, c'est tout. Ça va jusque-là ? À peu près, ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu formel pur. C'est pour ça qu'il dit qu'on pourrait remplacer point droite et plan par d'autres mots. Il y a une espèce de... Enfin, je me permets. Hein. Ouais, bien sûr, je suis très content que tu sois là pour ça. Il y a une espèce de chose pour ceux qui connaissent les obstacles épistémologiques de Bachelard. Là, je me la pète un petit peu. Mais pour dire, on peut rester coincé à cause de d'une image mentale qu'on se fait, à cause d'un d'un aspect trop concret, je sais pas, par exemple une droite, tant qu'on n'a pas compris que ça n'avait pas de largeur, pas d'épaisseur, etc., et ben on peut se planter en raisonnant sur une droite. On peut se planter sur un dessin ou sur une image qu'on se fait d'un dessin, parce que les objets mathématiques, de toute façon, sont abstraits. Ça, c'est la première étape. Et en fait, Hilbert, lui, va encore plus loin en disant, bon, ben, c'est juste des objets qui ont des relations entre eux, et il ne faut pas avoir d'image en tête. Ça risque d'induire en erreur, ça risque de fausser la logique, etc. Donc, il fait un jeu formel pur, en s'éloignant au maximum en fait de l'intuition. A priori, c'est ça ouais. C'est un raisonnement logique pur. Et même au-delà de ce que tu racontes, c'est-à-dire de pas vouloir induire en erreur, il y a aussi une autre force à ça, c'est que du coup, en étant dans un jeu logique pur, si un jour on trouve d'autres objets qui n'ont strictement rien à voir, et ça arrive justement, c'est ça qui est utilisé en physique, etc., et qui respectent exactement les mêmes propriétés, ben on peut appliquer tous les résultats. Oui, ça permet de généraliser, c'est la grande force de cette façon d'appliquer. Et c'est comme ça que plein de théories sont utilisées aujourd'hui dans des domaines très très différents, parce qu'en fait, ça utilise les mêmes types d'objets. Et du coup, vous pouvez entendre quelqu'un qui fait du traitement d'image vous parler d'une image comme un point, vous pouvez entendre parler à un physicien qui vous parle en mécanique quantique d'une fonction d'onde comme un point, parce que c'est les mêmes objets au sens théorique. On vient de perdre Alan. Non, ça me va jusque-là. Ça te parle. Bon, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est un point et de ce que veut dire être sûr pour définir et démontrer les éléments de la géométrie. Il suffit de supposer un certain nombre de propriétés entre objets et leurs relations. Alors, ça tranche tout particulièrement en fait avec les éléments d'Euclide. Pas complètement, parce qu'il y avait déjà dans Euclide une certaine abstraction en mettant des axiomes, en redéfinissant un peu tout. Mais là où ça tranche, c'est parce que Euclide commence par définir justement ce qu'est un point et ce qu'est une droite avant de poser ses axiomes. C'est-à-dire que c'est pour ça que les axiomes d'Euclide ne conviennent plus aux mathématiciens de cette époque. C'est parce que il y a cette définition au départ et que, en tout cas dans le cas de Hilbert, il aimerait bien s'abstraire de ça. Un autre élément qui fait que les éléments d'Euclide ne conviennent plus aux mathématiciens de cette époque, c'est qu'ils acceptent mal l'axiome des droites parallèles. Alors ça, on en a déjà parlé, c'est l'axiome qui dit « par un point extérieur à une droite, il ne passe qu'une et une seule droite parallèle ». Cet axiome paraît super compliqué par rapport aux autres. Pour rappel, les autres, c'est du genre « entre deux points, il passe une droite ». Donc c'est sûr qu'on est dans un truc plus compliqué. Et beaucoup de mathématiciens de l'époque sont persuadés qu'en fait, il découle des autres axiomes, et que du coup, c'est un axiome qui sert à rien. En cherchant à démontrer qu'une géométrie où cet axiome est faux est absurde, il se retrouve à créer des géométries qui sont très étranges, mais qui en fait sont cohérentes. Et là où on atteint le dernier niveau, c'est que pire encore, Klein, donc le mathématicien dont je parlais au tout début, il parvient à établir une construction qui démontre que s'il existe une incohérence dans la géométrie non euclidienne, donc où ça ne respecte pas l'axiome des parallèles, on peut trouver la même incohérence, enfin une incohérence similaire dans la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que là, il démontre qu'aucune des deux géométries n'est plus cohérente que l'autre. C'est-à-dire que soit on accepte les deux, soit on doit les refuser toutes les deux. Mais on ne peut pas en accepter une et pas l'autre. Ok, là je crois que tu m'as perdu, mais on va accepter ça comme un fait. Donc, c'est ça, c'est qu'il montre en gros qu'il y a deux types de géométrie qui sont parfaitement cohérentes et qui pourtant n'ont rien à voir, parce qu'il y en a une où il y a des droites parallèles et il y en a une par exemple où il n'y aurait pas du tout de droites parallèles. Et du coup, se pose la question d'établir un lien avec la réalité. C'est-à-dire que quitte à ce qu'il y ait deux géométries différentes qui existent, voire même plus, des euclidiennes et non euclidiennes, on aimerait bien savoir si le monde dans lequel on vit est plutôt euclidien ou non euclidien. Alors, pour l'anecdote, Gauss, bien avant, avait même essayé de mesurer de manière hyper précise des angles entre trois sommets dans les Alpes pour aller vérifier si on était dans une géométrie euclidienne ou non euclidienne. Alors, ces résultats n'avaient rien donné. Mais du coup, ce que essaie de faire aussi une partie des personnes à l'époque, c'est reformuler les axiomes d'Euclide de manière plus simple et surtout avec des formulations qui vont être vérifiables par expérience. C'est-à-dire avec une volonté de pouvoir dire si on était dans une géométrie euclidienne, non euclidienne. Et donc c'est là où Hilbert arrive, et comme pour les invariants, au lieu de prendre la même direction que tout le monde et de démontrer quelque chose, il prend une direction qui est complètement opposée. Et lui, il cherche complètement à séparer l'axiomatique de l'expérience. C'est-à-dire que ce côté qui intéressait tous les mathématiciens de l'époque de dire, enfin tous, hein, c'est des généralités, hein, mais qui de dire, est-ce qu'on est, replaçons les axiomes dans l'expérience pour essayer de dire si le monde est euclidien ou non euclidien, Hilbert, il sépare complètement les deux, il dit, moi je vous fais une axiomatique où il n'y a pas de notion avec la réalité, c'est pas mon problème. On a un peu des questions là, il y a des gens ouais. qui s'affolent un petit peu, j'essaie juste de répondre parce que bien sûr, je regarde aux angoisses que je vois dans la chatroom. Quelque chose qui est cohérent pour un mathématicien, c'est quelque chose qui est sans contradiction. En ouais. gros, une théorie mathématique, c'est les axiomes, c'est les hypothèses, c'est les règles du jeu, et on en déduit des choses, et tant qu'on n'a pas de contradiction, si on n'a pas de contradiction, on est content. C'est cohérent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses qui se passent comme dans le monde de tous les jours. Quoi. Voilà. La question de savoir s'il y a un rapport avec une quelconque réalité est complètement déconnectée de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des contradictions logiques qui apparaissent quand on raisonne de façon logique? C'est une question qui est complètement... c'est une question. Après, est-ce que ce modèle, cette théorie, ce monde qu'on décrit, va correspondre à quelque chose de concret qui existe dans le monde qui nous entoure? C'est une question qui n'a absolument rien à voir. Voilà, bon après, pour redérouter un peu les gens, il se trouve que dans ce cas-là, des géométries non euclidiennes, la plupart des géométries dont je parle là, euclidiennes et non euclidiennes, sont utilisées dans des applications très pratiques. Par exemple, la relativité générale, par exemple, est une géométrie non euclidienne. Tu l'as pas dit, mais géométrie non euclidienne, c'est des géométries qui se passent ailleurs qu'à plat. Voilà, et qui ne respecte pas l'axiome des parallèles. Sur une sphère ou sur des chips, voilà. Donc la géométrie non euclidienne, c'est bien ça. C'est la géométrie des chips, et la géométrie euclidienne, c'est sur la feuille de papier. Par contre, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de rendre plus abstraite cette géométrie, et donc d'essayer d'en faire juste de la pure logique, comme disait Robin tout à l'heure, ça a des conséquences essentielles, et c'est ça que je disais un tout petit peu. Si on prend par exemple la géométrie euclidienne qu'on a tous connue à l'école, et qu'on lui ajoute quelques objets qui nous permettent de faire des mesures, on peut faire l'expérience suivante. On prend une droite et un point, donc on trace une droite et on met un point à l'extérieur d'une droite, et on peut chercher le point de la droite qui est le plus proche de notre point. Alors, c'est pas qu'un délire de matheux, si vous imaginez que vous n'ayez le droit qu'au point de la droite et que vous vouliez représenter le point, ben vous allez chercher de faire au mieux, à prendre un point qui est le plus proche, qui est le moins différent. Si vous devez lancer un objet sur une île qui est au loin, vous allez vous mettre à l'endroit du bord de l'eau qui est le plus proche de l'île. Donc c'est pas un problème qui est complètement absurde. Et le point de la droite qui est le plus proche du point à l'extérieur de la droite, c'est ce que vous avez appris à l'école, le projeté orthogonal, c'est-à-dire le point qui, avec la droite, va former un angle droit. Du coup, donc, quand on a un point, la manière de trouver le point le plus proche sur la droite à côté, ça va être de faire un angle droit. Si vous faites le dessin sur un papier, vous allez voir que c'est très simple. Donc ça n'a rien de très extraordinaire, c'est quelque chose qu'on voit à l'école, et si vous essayez de le faire vous-même, vous allez voir que vous allez tout de suite faire ça. Et ce qu'apporte Hilbert, à cette époque, c'est en somme de dire que tout cela fonctionne pas qu'avec les points et droites usuels que l'on fait sur le papier, mais vous pouvez faire les mêmes choses avec tous les objets qui respectent les mêmes propriétés des axiomes d'Hilbert, et en fait des axiomes d'Euclide aussi, parce que c'est quasiment... Enfin, ils sont très proches. Du coup, si vous vous rappelez par exemple mon dossier sur la transformée de Fourier, on avait des images, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en traitement d'image, on peut appeler à une image un point, parce qu'elle va respecter, en donnant les bonnes définitions, les mêmes axiomes de la géométrie. Et cette image, on cherchait à la représenter avec des rayures, avec des images de rayures. Et je vous disais, la transformée de Fourier, ça permet de savoir comment représenter cette image avec des rayures. Et bien en fait, la transformée de Fourier, c'est un projeté orthogonal, c'est-à-dire qu'on va faire des angles droits entre les images de rayures et l'image originale. Alors bien sûr, il faut définir l'angle droit, il faut définir tout plein de choses que j'ai pas définies là, mais l'idée est fondamentalement la même, on fait de la géométrie et on fait une projection orthogonale. Ok ? Ouais, ok. Oui, moi j'ai suivi, moi. Oui. Bon, ça va alors. Exactement, ça va. c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que du coup, en mettant de l'abstraction, on généralise un résultat et on va pouvoir l'utiliser dans énormément de domaines. Et là, cet exemple de la géométrie, qui est quelque chose de la géométrie euclidienne, on l'utilise dans énormément de domaines parce que c'est très très pratique de faire, et en plus de réfléchir comme si on était sur une feuille de papier avec des triangles, des droites, etc. Du coup, les géométries diverses et variées sont utilisées dans pratiquement tous les domaines scientifiques, et comme je disais tout à l'heure, la relativité, par exemple, se fait sur des espaces non euclidiens, donc des espaces sur une chips, mais une chips en 4 dimensions. Et c'est pas si étonnant, même si c'est un pur hasard, quand on sait que Hilbert a développé une théorie similaire à la relativité au même moment et indépendamment d'Einstein. Donc ça, c'est anecdotique, je vais pas insister, hein, mais dans le genre, Hilbert a aussi travaillé sur la relativité, et il a fait une théorie de la relativité au même moment. Je crois que tu avais lu ça dans la bio de Einstein aussi, Alan. Ouais, absolument. Hilbert néanmoins admettait sans problème qu'Einstein avait eu la meilleure approche, et il précisait que cela était sans doute dû au fait qu'Einstein n'avait jamais rien appris sur les mathématiques du temps et de l'espace avant. Voilà, le petit personnage, toujours les bonnes phrases pour placer, quoi. C'est pas mal. Poser un jeu d'axiomes comme a fait Hilbert, c'est bien joli, mais finalement, sans rapport à la réalité, on pourrait croire qu'on fait ce qu'on veut, et ce n'est bien sûr pas le cas. C'est-à-dire qu'après avoir posé ses axiomes, Hilbert a travaillé, et donc encore une fois pas tout seul, je vais dire, j'ai oublié le nom mais je vais le dire juste après, Hilbert a travaillé à montrer leur non-contradiction. Et donc ça c'est ce que disait Robin tout à l'heure, ce qu'on appelle une théorie cohérente en mathématiques, c'est-à-dire c'est une théorie où il est impossible avec ses propriétés d'écrire une proposition contradictoire qui est à la fois vraie et fausse. Alors c'est pas un détail parce que si un jour on trouve dans une théorie mathématique une contradiction, bah en fait, c'est toute la théorie qui s'effondre, tous les résultats passés et les résultats futurs. Parce qu'à partir du moment où on a une contradiction, on peut l'utiliser pour prouver n'importe quoi. Et son contraire. Du coup, c'est pas du tout anodin, et on va y revenir tout de suite sur un peu à quel point ça peut être dramatique. Alors, il faut aussi démontrer autre chose, il faut aussi démontrer l'indépendance des axiomes. C'est-à-dire qu'on peut pas déduire un axiome des autres. Cette propriété n'est pas vraiment indispensable, pour peu qu'on ait montré la non-contradicité des axones, mais ça voudrait dire qu'on en fait plus que nécessaire s'ils ne sont pas indépendants, et n'oubliez jamais ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, à savoir que les matheux sont des flemmards, et donc s'ils peuvent se passer d'utiliser un axiome de plus, ils n'ont pas trop d'intérêt d'en utiliser un de plus. Tu confirmes, Robin ? Je confirme que c'est une histoire de flemmard, mais c'est surtout une histoire d'esthétique. C'est beaucoup plus joli si aussi. On arrive avec moins on a d'axiomes, plus c'est beau, quoi. Je veux dire, enfin, c'est vrai. Clair. Mais ça, c'est une histoire de flemme, quand même. C'est pas que les matheux. C'est plus joli, c'est plus satisfaisant intellectuellement d'avoir le moins d'axiomes possible. Et puis c'est plus clair souvent, quoi. Ce changement a aussi le changement que commence à faire Hilbert avec cette abstraction complète et donc pas tout seul. Hein. A une implication qui est qu'en tuant le lien avec l'expérience, le problème de l'axiomatisation, donc de définir les bons axiomes pour créer une théorie mathématique, ça devient lui-même un problème mathématique. Et du coup, au même titre que les autres problèmes mathématiques, il pourra être étudié et mené à des démonstrations telles que le théorème de Gödel, dont on va reparler tout de suite et dont surtout Robin avait parlé dans un grand dossier. C'est-à-dire que le théorème de Gödel, qui, rappelez-vous, montre en gros qu'on ne peut pas faire des théories qui sont à la fois cohérentes et où on peut démontrer tous les résultats. Mais on va en reparler tout de suite. Cette tâche sur les fondements de la géométrie, c'est que le début d'une plus grande mission menée par Hilbert, qui s'appelle le programme formaliste. Et ça marque cette grande mission, le programme formalisme, est en fait marqué par la découverte de paradoxes. De plusieurs paradoxes en mathématiques. Alors pour vous replacer, c'est un peu ce que je disais juste avant, les paradoxes en mathématiques, c'est pas les petits paradoxes qu'on peut avoir en physique, en chimie ou autre, c'est des paradoxes un peu plus graves, ce sont des contradictions, et comme on l'a vu à l'instant, d'une simple contradiction, on peut détruire complètement la théorie, parce qu'on peut tout prouver et son inverse, juste avec une contradiction. Alors qu'en physique, par exemple, quand on a un paradoxe, en général, c'est qu'une expérience n'est pas vérifiée par la théorie. Donc il montre les limites de la théorie, mais il ne remet pas en général en cause les résultats précédents. Parce que si des expériences précédentes collaient avec la théorie actuelle, il n'y a pas de raison qu'ils ne collent plus aujourd'hui. C'est juste qu'elle a ses limites. Alors que là, en mathématiques, tous les résultats qu'on a prouvés avant, on ne sait pas si c'est des vrais résultats ou si ils auraient pu être vrais et faux parce qu'on a une incohérence dans la théorie. Voilà. Alors, je sais pas si c'est clair, ça, parce que t'étais pas trop d'accord, Alan, avec le fait que les paradoxes en maths étaient carrément plus violents que les paradoxes dans les autres sciences. Moi, ça me semble clair, mais... Bonjour, David. David. Salut, David. Attends, tu peux juste rappeler le paradoxe ? Alors, j'ai pas donné de paradoxe, j'ai juste dit que donc un paradoxe en maths, ça a un aspect beaucoup plus problématique que dans plein d'autres sciences, parce que à partir du moment où on a une contradiction dans une théorie mathématique, on peut démontrer tout et n'importe quoi dans cette théorie, et du coup, tous les résultats déjà démontrés, on pourrait démontrer leur contraire. Donc ça casse tout. Alors qu'un paradoxe en physique, par exemple, ça remet pas en question les expériences passées. Si les expériences collaient à la théorie dans le passé, il n'y a pas de raison qu'elles ne collent plus aujourd'hui. Ben si, précisément le paradoxe du grand-père, c'est non, ça. Non, parce que c'est une expérience qui ne collait pas par le passé. Bon, d'abord, c'est pas une expérience. Oui, hein. Voilà. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, genre, quand tu as la mécanique classique et la mécanique relativiste, Tu as des choses comme tout ce qui est GPS qui ne collait pas avec la mécanique classique. Donc, elle collait pas avant, elle colle plus aujourd'hui, elle colle toujours pas aujourd'hui avec la mécanique classique. Par contre, tu as des résultats qui collaient avec la mécanique classique et qui collent toujours autant. Ils n'ont pas été cassés parce qu'on a découvert une nouvelle théorie. Parce que on se base sur de la réalité et donc les expériences ne changent pas. On parle pas de paradoxe, là. Ben, en soi, si, quand on découvre quelque chose qui ne colle pas du tout avec la théorie, on parle des fois d'un paradoxe. On dit, tu vois, les histoires d'énergie noire et compagnie, on te parle de paradoxe, que dans la théorie, on devrait avoir un univers qui est en expansion décélérée, on a un univers qui est en expansion accélérée. Mais ça, c'est des incohérences, c'est pas des paradoxes. Je pense qu'on n'est pas d'accord sur la définition de paradoxe, en fait. Du coup, il faut faire un dossier sur les paradoxes. Ouais, on va faire un dossier sur les paradoxes. Parfait. Bon, on a noté la date et tout, c'est bon ? On aura un pitch en fin d'émission. Il faut que ce soit un truc collectif. Il faut que ce soit un truc collectif, parce que là, il y a matière à débat, c'est cool. Ouais, on débattra. Enfin, débat à plusieurs points de vue, quoi. Yep, merveilleux. Donc du coup, à cette époque, il y a plusieurs paradoxes. En gros, il y en a trois assez connus. Je voulais vous parler du paradoxe de Russell, mais je crois que Robin, tu l'avais déjà pas mal fait dans ton dossier sur Gödel, et moi, je l'avais fait dans le dossier sur l'infini. Donc on va peut-être épargner le mal de tête. C'est en gros, c'est un truc qui fait mal à la tête. C'est normal parce que un paradoxe logique, notre cerveau, il est pas fait pour accepter ça. Notre cerveau, il fonctionne à la logique et quand on lui donne un paradoxe logique, il veut pas. Il y a un problème. Donc je vais pas insister pour faire du mal à la tête, mais voilà, c'est un des paradoxes qui a posé problème et qui a donné envie de reposer des bonnes bases. Et en particulier, donc ce paradoxe de Russell, on définit un espace et on dit, cet espace, il pose problème. Et ça remet, au-delà de toute l'axiomatique, ça remet en question toute la démarche mathématique parce que il convient à la fois de comprendre pourquoi c'est un paradoxe, mais aussi qu'est-ce qu'on a fait de mal, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de définir l'espace qui donne le paradoxe? Et si on n'a pas le droit, pourquoi on n'a pas le droit? Enfin, il faut qu'il y ait des règles bien posées. Et du coup, qu'à cela ne tienne, Hilbert a fait l'axiomatisation de la géométrie, il suffit plus que d'axiomatiser les mathématiques, et c'est le programme formaliste dont les prémices sont énoncées dans une conférence célèbre en 1900. C'est cette conférence aussi où Hilbert présente l'avenir des mathématiques avec 23 problèmes qui doivent être résolus pour faire avancer cette science. Pour info, je crois qu'il y en a 22 des 23 résolus, c'est ça ? C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y en a où ça s'est terminé en disant... c'est mal formulé, en fait on sait pas trop ce que veut dire la question, des choses comme ça. Et je crois qu'il y en a plus que ça qui sont encore pas résolus. Ah ouais, d'accord. C'est des problèmes encore actuels du coup. Et donc c'est à cette conférence où commencent globalement un peu les idées du programme formaliste, donc qui constitue en gros à dire, donc toujours la petite tâche, on va tout remettre à plat, on va redéfinir ce que c'est faire des mathématiques, comment on fait des mathématiques, etc. quoi. Et comment on pose les bases, qu'est-ce que sont un nombre, etc. Donc, axiomatiser les mathématiques, c'est, comme je disais, pas une mince affaire. Ça consiste non seulement à redéfinir tous les termes et relations que nous serons amenés à utiliser, puis donner des règles de déduction, et histoire de ne pas perdre toute une histoire des mathématiques, tâcher de faire cela en arrivant à redémontrer tous les résultats existants, mais en éliminant les contradictions. Voilà, la petite tâche facile, quoi. Alors, globalement, il y a deux très grosses théories qui sont touchées, entre guillemets, par les paradoxes. La première, c'est rien de moins que l'arithmétique. Alors, l'arithmétique, pour vous dire, c'est ce qui permet de faire des additions, des multiplications, etc. Alors, le problème avec l'arithmétique, c'est que c'est la théorie la plus simple, et elle est donc utilisée dans beaucoup d'autres théories. Donc, si on a un problème dans cette théorie, ça pose des problèmes. En particulier, Hilbert, qui avait fait l'axiomatisation de la géométrie, il avait utilisé l'arithmétique... pour montrer qu'il était consistant, qu'il n'y avait pas d'incohérence, et il s'était contenté de ça, il s'était dit, si je montre que c'est aussi incohérent que l'arithmétique, j'ai gagné. Là, il y a ça qui est remis en question. Et la seconde, je vous en ai déjà parlé dans mon dossier sur l'infini, c'est la théorie des ensembles de Cantor, qui permet d'aboutir au paradoxe de Russell, et que déjà beaucoup de mathématiciens à l'époque n'apprécient pas du tout, parce que ça parle de l'infini, et puis ce genre de paradoxe arrange rien du tout. Alors en particulier, dans les gens qui n'aiment pas du tout la théorie de Cantor et qui aimeraient s'en passer, qui sont un peu en parallèle du programme formaliste, il y a les intuitionnistes, qui eux considèrent que cette théorie et ses paradoxes qui en découlent sont dus à une utilisation abusive de la logique abstraite qui pousse à une perte totale de sens. Alors ça rejoint un peu ce que disait Robin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils pensent que... à force de vouloir tout abstraire et de couper tout lien avec l'expérience, on en arrive à des bêtes complètement bizarroïdes qui donnent les paradoxes de Russell, etc. Et du coup, il se propose de limiter à une logique dans laquelle, où en gros, on peut construire les objets. Typiquement, en gros, hein, pour simplifier, dans laquelle la preuve d'existence sans construction de Hilbert n'est pas vraiment une preuve. Il faut qu'il y ait une construction pour que ce soit une preuve. À titre d'exemple, il refuse une propriété relativement simple qui est la propriété du tiers exclu, qui affirme en gros que soit une proposition est vraie, soit son contraire est vrai. C'est-à-dire que exclure le tiers exclu comme ils veulent le faire, ça veut dire que dans certains cas, on n'accepte que ni la proposition ni son contraire soit vrai. On n'accepte pas de faire la transition de l'un à l'autre. Et en particulier, en fait, pourquoi ils excluent ça, c'est pas par plaisir d'exclure un truc dont tout le monde se fout. C'est un principe qui permet d'amener à beaucoup de preuves sans construction, en fait. C'est ce dont parlait Robin tout à l'heure, les constructions par l'absurde. On utilise le tiers exclu, c'est-à-dire on se dit que si on arrive à montrer qu'en supposant que cet objet existe, on a une contradiction, ça prouvera que cet objet n'existe pas, et inversement. Donc on utilise le contraire. Si on se refuse ça, eh ben on n'a plus le droit de faire par l'absurde, et donc on arrive à éliminer toutes ces preuves sans construction qui peuvent poser des problèmes. Donc si vous rappelez le dossier sur les algorithmes, histoire de citer comme d'hab après tous mes dossiers, donc si vous vous rappelez le dossier sur les algorithmes, on a démontré que tous les nombres réels ne sont pas calculables par un ordinateur. Et grâce au tiers exclu, on peut en déduire qu'il existe un nombre non calculable par un ordinateur, sans pour autant être capable de le construire. Et heureusement, parce que si on arrivait à le construire, on arriverait sans doute à le calculer. Finalement, la logique intuitionniste est sans doute la partie des mathématiques la plus facilement comprise, acceptée, parce qu'elle se contraint à avoir des objets qu'on peut effectivement fabriquer, qu'on peut entre guillemets palper. Donc c'est une approche qui n'est pas du tout absurde, hein, qui... C'était un peu la guéguerre à l'époque, mais qui consiste vraiment à dire « Ben non, moi je vois pas l'intérêt d'utiliser des objets qu'on ne pourra jamais construire, jamais utiliser. » Je sais pas si tu veux dire deux mots sur les intuitionnistes, parce que c'est des notions assez compliquées et assez subtiles à comprendre. Robin ? Oui, non, bah, je sais pas, je pense que tu as dit les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement... Enfin, les intuitionnistes, leur critique, elle est assez intéressante, parce qu'elle dit... parler d'objets... pour lesquels la seule preuve d'existence qu'on a, c'est que s'ils n'existaient pas, il y aurait une contradiction. Bah oui, d'accord, mais enfin, si je suis un foutu de montrer un seul objet comme ça, de savoir à quoi ça ressemble, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une des critiques qui est de dire on va être dans quelque chose de vain, en fait. On va pouvoir bâtir des choses, mais ça nous parlera de plus rien, de plus rien qui peut nous intéresser. Et ça c'est vraiment une critique qui est assez... qui est assez intéressante à entendre. Et puis, y a l'aspect, de toute façon, on cherche à résoudre des problèmes qui font sens. Alors même si on est très éloigné petit à petit des problèmes d'origine, qui peuvent être d'origine physique, qui peuvent être d'origine, se poser des questions sur des nombres, sur des objets mathématiques qui sont devenus concrets parce qu'on les a bien appréhendés. On obtiendra jamais rien d'intéressant pour ça, si on abandonne toute intuition, puisqu'on va développer des théories qui seront plus bonnes à se préoccuper des problèmes plus ou moins concrets qu'on se pose à la base. J'ai une question là, de la définition par l'absurde, une démonstration par l'absurde, on en a déjà parlé, mais j'ai une définition par l'absurde, je suppose le contraire de ce que je veux démontrer. Alors, il faudrait trouver un exemple rapidement là. C'est hyper dur à chaque fois de trouver rapidement des exemples sur l'absurde. rapidement l'exemple, je ne vais pas le trouver, mais éventuellement je vais chercher deux secondes un exemple. Mais on suppose le contraire de ce qu'on veut démontrer, on en déduit des choses, et on arrive à quelque chose qui se contredit, c'est-à-dire, on va tomber sur deux droites qui sont à la fois parallèles et perpendiculaires entre elles, je ne sais pas si on est en géométrie ou un truc comme ça, ou un nombre qui est à la fois pair et impair, un truc comme ça. Ah, on tombe sur 1 égale 2, quoi. Voilà. Donc, si on arrive à une conclusion comme ça, si on n'a pas fait d'erreur de raisonnement entre l'hypothèse et la contradiction, c'est bien que l'hypothèse à la base doit être rejetée. Donc, on conclut que l'objet existe, par exemple, ou que ce qu'on a supposé est faux, quoi. Mais on ne sait pas pourquoi c'est faux. On sait juste que si c'est vrai, on arrive à une contradiction. Et comme on ne veut pas de contradiction, ben on l'exclut. Et comme voilà. Et c'est pour ça que ça amène à dire « il existe » sans avoir réussi à le construire ou même à montrer un peu à quoi il ressemblait. Bon, et par contre, comme on le voit ici, la logique des intuitionnistes, même si donc on peut comprendre beaucoup des bases et que c'est assez intéressant, c'est une logique qui est beaucoup plus restreinte que celle utilisée jusqu'alors et qui amène à se séparer de beaucoup de théories Et en particulier, dans un monde intuitionniste, il faudrait dire au revoir à la théorie de Cantor et à ce qu'Hilbert... Et Hilbert s'oppose à cela en affirmant le célèbre « Nul ne doit nous exclure du paradis que Cantor a créé ». Enfin, tout ça pour vous dire que la guerre est donc lancée à l'époque, et c'est assez mal parti en fait pour Hilbert et les formalistes, parce que leur utilisation intensive de la géométrie amène justement à des paradoxes qui pourraient être évités en se limitant au programme intuitionniste. Donc, on se rend pas compte, mais il n'y a pas si longtemps que ça, se reposer les questions sur qu'est-ce qui était bien de faire des maths, et la guerre était formaliste contre intuitionniste, en gros, sur qu'est-ce qu'étaient les bases. Vous allez voir que c'est pas simple de dire qui a gagné, mais qu'en tout cas, il y a eu du coup de belles avancées, comme souvent quand il y a des grosses concurrences comme ça entre scientifiques. Alors, du coup, Hilbert, Bernet et Ackermann reprennent alors les bases, et ils commencent par l'arithmétique la plus simple. Pour tout vous dire, ils commencent avec le signe 1. En fait, il commence pas avec le signe 1, il commence avec la barre verticale. Et si vous voulez, vous pouvez appeler ça 1, mais c'est la barre verticale. Ça leur paraît être la base. Ils définissent du coup l'addition, qui consiste à mettre deux barres l'une à côté de l'autre, montrent des résultats en supposant des axiomes, mais dans un premier temps, restent dans une approche très palpable. Ils s'interdisent d'utiliser l'infini et tâchent à ce que la démonstration soit réalisable par une expérience. Qu'on puisse la faire en gros sur une table avec des stylos, des barres, etc. Ça veut dire, par exemple, qu'ils s'interdisent de jouer avec l'ensemble de tous les nombres, parce que c'est un ensemble d'une infinité de nombres, je ne peux pas le mettre sur une table, et qu'ils auront bien du mal ils vont pas faire une démonstration avec quelque chose qu'ils pourraient pas mettre sur la table d'en faire dans leur expérience. Cette première mathématique, alors qui est parfois appelée mathématique contentuelle, personnellement j'ai entendu ce terme que dans un bouquin, donc je ne sais pas à quel point c'est utilisé. Et elle est... T'as des zéros avec ces barres verticales ou pas ? Tu définis un neutre, en fait, c'est pas exactement un zéro. De toute façon, le zéro est un peu différent, mais c'est... Oui, t'as cette notion-là qui peut apparaître. C'est le rien, quoi. Donc, quand il n'y a pas de barre, c'est zéro. Cette première mathématique, donc mathématique contentuelle, et en fait, elle est beaucoup plus restreinte encore que l'intuitionniste. Donc, ils vont plus loin, elle est basée sur l'expérience. Et ils essaient de faire une première donc théorie... basique qui paraît évidente, parce que le problème de base là-dedans, c'est que cette première théorie, la seule manière qu'on va avoir à l'accepter, alors les formalistes espèrent, on va en reparler, qu'on va pouvoir démontrer que c'est une théorie qui est complète, où tout se passe bien, mais le fait est que pour qu'elle soit acceptée, ils commencent par le fait en se disant bon, si elle est palpable et qu'elle est liée à l'expérience, j'ai plus de chances de réussir à démontrer que tout se passe bien dans cette théorie. Alors sur cette base, les formalistes y tâchent d'intégrer les autres théories en s'autorisant une logique un peu plus abstraite. Mais leur but est d'essayer de prouver, grâce aux mathématiques contentuelles, que ce nouvel ensemble d'axiomes est cohérent. C'est-à-dire, en gros, qu'une fois qu'ils ont leur mathématique contentuelle, la mathématique qu'on peut faire sur une expérience palpable, ils vont aller rajouter des propriétés autour, mais ils vont tâcher de continuer de prouver que les axiomes de la plus grande géométrie sont cohérents et fonctionnent avec la petite géométrie, la géométrie qui est palpable. Et ils aimeraient aussi parvenir à construire un système complet, c'est-à-dire où toute proposition, ou son contraire, peut être prouvée. Alors, ce programme, qui est hyper ambitieux, bien sûr, ça aboutira finalement à un échec caractérisé par le théorème de Gödel, donc qui a déjà été vu dans le dossier de Robin. Alors, Gödel, le malheureux, tue tout espoir de parvenir à un tel résultat avec une approche formaliste ou non. Il élimine l'espoir aussi donc, des intuitionnistes, parce que Gödel arrive à montrer que la théorie intuitionniste est parfaitement équivalente à l'arithmétique classique, et que, si bien que, contrairement aux apparences, les restrictions des intuitionnistes ne permettent pas de rendre plus cohérente la théorie mathématique, en fait, elle change rien. Donc en gros, Gödel, qui, pour l'anecdote, a fait ses travaux en espérant montrer que le système de Hilbert et de ses copains était complet, il a montré que jamais plus personne n'arrivera à faire un système où tout est démontrable. Dont je vous laisse aller voir le dossier de Robin pour avoir plus de détails. Alors au niveau formaliste particulier, Gödel montre donc, c'est ce que dit le dossier de Robin, que l'on ne peut pas prouver la consistance d'une théorie au sein même de cette théorie. Ainsi, le programme formaliste qui voulait justement parvenir à ce résultat, il les voit à l'échec. C'est-à-dire que pour réussir à prouver qu'il n'y a pas d'incohérence dans une théorie, il faut regarder de l'extérieur la théorie. Donc pour prouver qu'il n'y a pas d'incohérence dans les mathématiques, on est obligé de regarder le monde réel. C'est triste. Alors, le programme formaliste, comme le programme intuitionniste dans une moindre mesure, reste malgré tout important, parce que le formaliste, ça reste important et ça imprègne encore aujourd'hui la pratique des mathématiques, c'est-à-dire les choses dont parlent les mathématiques sont des symboles vides de sens, tant tant que vous savez comment les manipuler, ça vous suffit pour faire des mathématiques. Et il n'a finalement été prouvé que le fait qu'il fallait sortir de la sphère des mathématiques pour prouver convenablement les fondements, mais on peut continuer à faire des maths de manière abstraite comme ils sont faits, et ça a apporté beaucoup de généralisation. Mais finalement, ça dit que, voilà, ni les intuitionnistes ni les formalistes ont gagné, il y aura toujours besoin de toute façon d'avoir un lien au réel pour en venir vraiment au bout, être le plus carré, quoi. Il y aura de toute façon toujours besoin d'intuition pour trouver des démonstrations et pour trouver des questions intéressantes, etc. C'est-à-dire que si on en reste à un formalisme pur, on ne crée pas de maths. Mm-mm. On ne crée pas de maths, on va juste que, on se contente d'aller au bout de ce qu'on peut démontrer avec les hypothèses, etc. Mais c'est là où c'est intéressant qu'il y ait cette fin-là, c'est-à-dire que les deux idées restent un peu dans les esprits de ce que sont les maths aujourd'hui, quoi, finalement. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Si, bah de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont toujours été. C'est-à-dire que, enfin, c'est un truc que j'ai déjà dit dans plusieurs dossiers, mais c'est pas grave, je me répète, ça me dérange pas. Mais c'est de dire l'avancée des maths, c'est on avance à l'intuition comme des gros bourrins en racontant un peu n'importe quoi à l'intuition totale, et puis derrière, faut blinder avec de la logique, sinon on risque effectivement de raconter n'importe quoi. Mais pour créer, on se sert pas d'une logique pure, sinon. On part d'intuition. Alors, pour finir sur Hilbert, il ne s'est pas intéressé qu'aux maths, même si je vous ai parlé surtout de maths, mais c'est parce que j'ai trouvé moins de sources et j'ai eu plus de mal à me mettre dans les autres domaines. Il se tourne aussi vers la physique dès 1912 pour proposer une théorie cinétique des gaz. En fait, il considère qu'il faut faire une axiomatisation de la physique et pense que cela doit être fait par un mathématicien, car il pense que maintenant la physique est trop difficile pour les physiciens. Alors, comme souvent dans ce domaine, il n'invente pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais le simplifie et unifie plusieurs des théories utilisées à l'époque, dans l'esprit d'une phrase qu'il prononça justement dans la fameuse conférence de 1900, à savoir qu'une théorie n'est pas terminée tant qu'on ne l'a pas rendue si claire que l'on puisse l'expliquer à la première personne qui passe dans la rue. Il n'hésite pas non plus à dire qu'après avoir réformé les mathématiques, il s'attaque à la physique, et quand il en aura fini, il s'attaquera à la chimie, qui à l'époque était, selon ses mots, comme faire de la cuisine dans une école pour filles. Donc voilà, le Hilbert, il avait quand même de sacrées ambitions. Alors, comme on l'a déjà vu, en 1915, il produit aussi une théorie de la relativité. Du coup, il a eu une petite influence quand même relative dans ce domaine, parce que c'est quand même Einstein qui a eu la plus grosse influence. Il se trouve, alors c'est un peu par hasard, qu'il va avoir une influence notable dans l'essor de la mécanique quantique, parce qu'en fait, les outils qu'il a développés à une certaine époque de sa vie sur les équations intégrales vont avoir énormément d'utilité dans la mécanique quantique. Donc il a aussi indirectement participé à ça. Alors pour autant, quand il commençait à être âgé, il comprenait difficilement la mécanique quantique, qui était, pour tout dire, expliquée par son assistant. C'est-à-dire qu'il avait un assistant dont le boulot était de rapatrier tous les trucs intéressants dits en mécanique quantique, de faire un résumé et de lui filer ça. Donc c'était un assistant en plus assez compétent. Et un jour, il dit « Je vois vraiment pas comment quelqu'un peut comprendre quelque chose à ce qui se passe en physique ces jours-ci. Moi-même, je ne comprends pas tout ce que je voudrais dans les livres de physique. Et encore, quand c'est moi, si je ne comprends pas, je passe un coup de téléphone à Debye ou Born et il m'explique. » Donc voilà, je trouvais la citation amusante. Voilà, donc il a fait beaucoup, beaucoup de choses et il a fait avancer plein de domaines. Alors, Hilbert, comme j'ai dit au tout début, il a passé la plus grande partie de sa vie à l'université de Göttingen, qui était du coup à l'époque un des grands centres de la pensée mathématique du monde. En fait, les meilleurs étudiants, de ce que j'ai pu en lire, étaient vivement conseillés de faire leur bagage et de rejoindre cette université. Hilbert expérimentait durant ses présentations, ça c'est assez amusant, il y a des anecdotes dans les bouquins que j'ai lus, que je vous mettrai référence dans le dossier, qu'en fait ils ont vu ses théories se construire au fil des cours. Il arrivait en cours, alors des fois c'était des grands fiascos, mais des fois on voyait vraiment le chercheur en train de chercher, et on vivait la science en train de se faire, pour reprendre une expression chère au parler de découverte. Et cet univers de réflexion et découverte mathématique a imprégné les élèves et professeurs, et finalement quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, en fait la plupart des professeurs et des élèves, sauf Hilbert, ont dû fuir l'université. Et ce qui fait que finalement, alors qu'il a fini sa vie pratiquement seul près de cette université, ses anciens collègues et étudiants vivaient aux quatre coins du monde et diffusaient un peu ce qu'était la pensée hilbertienne, ou plus généralement la pensée de l'université de Göttingen, à travers le monde. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, tout mathématicien porte un petit héritage d'un côté ou de l'autre de Hilbert, quoi. Du coup, ça valait le coup de faire un dossier que je viens de terminer. Yeah. Bravo. Merci beaucoup. Il a suscité quelques questions, ton dossier. Ouais. D'abord, on avait une question de... je sais plus qui. Je crois que c'était Yves qui demandait « C'est quoi le meilleur bouquin sur les résultats de Hilbert ?» Alors, moi, j'en ai lu deux bouquins. Il y en a un d'un auteur que tu n'as pas du tout aimé, Alan. Alors, en fait, il y a deux bouquins. Chacun ont leurs défauts. Il y en a un d'abord qui est en français, qui est très bien, très synthétique et qui explique plutôt bien les choses. Le seul problème, c'est qu'il n'est qu'en papier. Il s'appelle Hilbert, collection Grand Savoir, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références dans le dossier. Et l'autre, qui à mon avis s'appelle aussi Hilbert, lui est en anglais, est en édition Kindle. Alors, Alan le trouve très mal écrit. Moi, je le trouve pas si mal écrit que ça. Par contre, il est beaucoup plus long et beaucoup plus narratif, en fait. Il raconte les choses, il raconte des détails dont on se fout un peu, du genre, il a été muté à tel endroit et compagnie. Donc, je pense que le mieux, c'est celui qui est en français et qui est belle exception, donc qui est en français et qui parle des résultats. Alors, par contre, celui en français est austère. Hein. Ça se contente de parler de la vie de Hilbert et de ses résultats. Ça fait pas, on n'est pas dans la popular science, quoi. Sinon, il y a les hors-série, les trucs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les génies de la science ou un truc comme ça, là, édité par Pour la Science. Il y en a un sur Hilbert. Mais après... le bouquin en français, typiquement, comme beaucoup de trucs que j'ai lus sur Hilbert, est assez incomplet, en fait, au niveau de ses résultats. C'est assez dommage. Là où, justement, le bouquin en anglais parle de beaucoup plus de choses qu'il a fait, mais il va moins dans le détail, quoi. Typiquement, le bouquin en français parle pas du tout de ce qu'il a fait en théorie cinétique des gaz ou en relativité ou des choses comme ça, quoi. Ok, mais donc tu te rappelles pas des noms des auteurs ? Je peux les retrouver hein, si tu veux, sinon je les mettrai dans les notes de l'émission. Je les ai pas sous la main, je vais les retrouver le temps que tu me poses l'autre question. Ok, ça marche. Alors, d'autres questions ? Attends, je les ai perdues. Oui, on avait Pouillot qui disait que se planter sur une droite, c'est super dangereux. Donc, c'était pendant que tu parlais de géométrie euclidienne. C'est super dangereux, surtout sur la route, d'où l'importance des maths routières. Je vois. Ça demande un commentaire ou pas ? Non, non. Non, c'était juste pour meubler le temps que tu cherches tes... Bon, ça y est, je l'ai mis dans la chatroom. Et donc, l'auteur que je viens de reperdre, bien sûr... C'est... attention... Pierre Kasunogu, je crois. C'est ça. C'est une très belle collection Figures du Savoir, où il y a plein de... J'avais lu celui sur Cantor. Alors, c'est pas du tout les mêmes auteurs, donc ils sont assez inégaux. Mais celui sur Hilbert est vraiment bien. Je l'ai annoté à plein d'endroits, quoi. Mais il est en papier, c'est un peu chiant. C'est bizarre de faire des livres en papier. Et l'autre, c'est de Constance Reid. Ah oui, c'est ça, ouais. Et de... Oui, c'était Kasunogas, en fait. J'ai mal lu la première fois. Donc, Kasunogas et Constance Reid. R.E.I.D. Voilà. Ok. J'avoue, en fait, tu m'as juste fait lire un ou deux paragraphes. J'ai trouvé ça affreux. J'aurais été incapable de lire un livre entier. Alors, globalement, il n'est pas si mal écrit que ça. Hein. Je pense que tu exagères un peu. Mais par contre, il est très, très narratif. C'est vraiment pas de la popular science. C'est plus du type biographie, sauf que c'est de la biographie de Matteux. Donc, moi, si c'est pour apprendre sur les résultats de Hilbert et sur l'importance de tout ce que j'ai parlé, formalisme, intuitionnisme et tout ça, je conseille vraiment plus celui en français. Ok, parfait. Pardon. Je fais trop de bruit. On avait Yves qui nous demandait aussi, donc c'était une question qu'il a posée pendant que tu parlais de géométrie euclidienne et non euclidienne. C'est quoi une géométrie cohérente alors ? Donc c'est ce que disait tout à l'heure Robin, c'est une géométrie où il n'y a pas de contradiction. D'accord. Et puis Yves nous disait aussi un moment plus tard que la géométrie euclidienne est cohérente avec 21 axiomes et non les 5 axiomes d'origine. Oui, c'est possible. En fait, on peut rajouter même plus que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une géométrie est cohérente avec 3 axiomes qu'elle le sera pas avec 4. Hein. On peut en rajouter des mêmes indépendants. C'était juste pour avoir tout ce qu'il voulait. Effectivement, il avait dû en rajouter pas mal. J'avais pas le souvenir de 21. J'avais plutôt le souvenir d'une dizaine seulement. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas combien il y en a non plus, mais il y en a un paquet. Mais même si tu regardes les éléments d'Euclide, il y en a plus que ce qu'on annonce d'habitude. Et en fait, il y en a un paquet. Hein. Parce que finalement, quand on veut tout définir, ça prend du temps quand même. On a un certain Alan qui demandait à un moment à quoi ressemble une chips en 4 dimensions. Mais alors là, tu aurais pu être attentif parce que je t'ai répondu. Hein. C'est vrai, j'ai pas vu ta réponse. Qu'est-ce que tu disais ? Il suffit de prendre une chips en dimension n et tu prends n égale 4. Enfin, c'est... Je vois. Bon, tant pis. Non, juste pour donner quand même, parce que là, ça fait un peu je vous suis infiniment supérieur, n'est-ce pas ? Non, en fait, en gros, si tu prends... Il y a une image, je trouve, qui est relativement parlante. c'est qu'en dimension 2, une chips, c'est le contraire d'une sphère. Sur une sphère, tu prends deux... Si tu pars... comment dire ? Tu prends l'équateur et tu prends deux personnes qui sont sur l'équateur et qui vont vers le pôle Nord, enfin, qui partent à la perpendiculaire de l'équateur, elles vont se retrouver au pôle Nord. Donc, deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième, elles se rapprochent. Mm-hmm. Donc, sur une sphère ou sur toute géométrie sur ce genre de surface, les choses vont avoir tendance à se rapprocher. Sur une selle, c'est le contraire. Tu prends deux perpendiculaires à une même droite, elles vont s'éloigner petit à petit l'une de l'autre. C'est quelque chose où tu vas avoir de plus en plus de place. Les choses vont avoir tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Si tu essaies de plaquer un papier sur une sphère, ça va se froisser, ça va se superposer partout. Si tu essaies de plaquer un papier sur une selle de cheval, ça va se déchirer. Je ne sais pas si c'est très clair, j'essaie de trouver plusieurs images. Ouais, c'est super clair. Avec une selle de cheval infinie. Et donc, en fait, un monde en géométrie sphérique, tu peux l'imaginer après en dimension quelconque. Et un monde plat, évidemment, ça reste à la même distance. Et donc, un monde maintenant que tu as compris, si on comprend ces trois idées-là, on peut les imaginer dans n'importe quelle dimension après. Et donc, une selle de cheval de dimension, enfin une chips de dimension 4, c'est un truc où les choses ont tendance à s'éloigner, quoi. En dimension, ce que tu veux. D'accord. Bon, moi j'aimais bien l'explication de Pouillot à qui tout le monde a demandé de dessiner une chips en dimension 4. Qui a dit je suis désolé, ça va prendre un moment, la quatrième dimension on demande toujours du temps à dessiner. J'ai trouvé ça très classe. Je sais pas si les matheux peuvent comprendre cette blague. C'est assez classe. Pour les physiciens. Il y avait une question de Yves aussi. Ouais. Alors mais que j'ai perdu. Apparemment tu l'as. Bon, alors la question de Yves, c'est combien de géométries cohérentes actuellement en rayon. Alors en fait, bon, pour jouer au con, je pourrais répondre une infinité. Je pense que ça n'a pas trop de sens en fait, parce que s'il faudrait classer les, pour les compter, il faudrait avoir une classification des géométries auxquelles je me refuserais un peu. En fait, une géométrie, c'est tu te fous des axiomes, quoi. Donc à partir de là, si t'as envie de mettre demain toi un nouveau jeu d'axiomes et que tu montres qu'il est indépendant et cohérent, bah, t'as une nouvelle géométrie, quoi. Donc il y a des méthodes de construction pour en construire un paquet. Et à mon avis, une infinité en fait. Donc, sans compter qu'il y en a qui sont incluses les unes dans les autres. Ouais, voilà, donc c'est pour ça. Ce qui s'appelle la géométrie absolue, c'est ce qui est vrai dans les trois mondes dont j'ai parlé, par exemple. T'aurais pas dû dire ça, Robin. Effectivement. Bon, tant pis, le mal est fait. Good. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou des commentaires de l'équipe, éventuellement. Moi, je me demandais si on connaissait un petit peu sa vie privée, en fait, quel genre de personnage c'était. Si, je ne sais pas comment il est tombé dans les maths. Il y a une citation très marrante de comment il est tombé dans les maths. Il dit que très jeune, il n'avait pas fait beaucoup de maths parce qu'il savait qu'il en ferait plus tard. Donc, je crois qu'il a toujours voulu plus ou moins faire des maths. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, sur sa vie privée et compagnie, j'ai pas vu trop d'éléments énormément. Après, il avait une femme. Il avait l'air assez rigide quand même. C'est ce qu'on voit après ces différentes citations. C'est dur à dire. J'ai l'impression, en fait, que sur pas mal de matheux comme ça, la notion de vie privée est assez bizarre, quoi. J'ai un bouquin à lire sur Gödel comme ça, qui est raconté par sa femme. Juste, on peut dire que, alors je sais pas dans quelle mesure, mais je pense que là ils ont pas inventé, parce qu'il y a pas de raison qu'ils aient inventé ça, dans la BD Logicomics, ouais. Y a une apparition d'Hilbert qui en fait quelqu'un de très droit avec les bons et les mauvais côtés. C'est-à-dire que la démonstration du théorème de Gödel, ça le fout par terre sur le moment, mais très vite après, c'est en même temps, il reconnaît tout de suite la validité. En même temps, voilà. Il a un côté très carré, très droit. Et sur l'aspect, en revanche, vie privée, le truc qui est montré dans la BD est très peu reluisant. C'est-à-dire qu'en gros, il a un fils qui pète un câble, qui fait une crise de maladie psychiatrique. Je ne sais pas exactement laquelle, ce n'est pas mon boulot, mais un truc comme ça. Et il dit qu'il n'a plus de fils, quoi. C'est-à-dire que... À partir du moment où son fils est complètement malade et délire, etc., il considère qu'il n'a plus de fils. Donc, c'est pas spécialement sympathique. Pour compléter le côté droit dans tous les sens du terme, un élément par contre assez important, c'est une citation qu'avait retenue Alan pour les côtes. Donc, je vais la laisser pour les côtes. Mais il était droit aussi. Il a favorisé une femme à rentrer parmi le corps professoral de l'université, alors qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Parce que pour lui, ce qui prévalait, c'était le talent mathématique, point barre. Et cette femme était meilleure que les autres hommes qu'il y avait, donc il n'y avait pas de raison de faire de différence. Et pendant la guerre, il a très mal vécu qu'on traite les juifs de l'université différemment. Pas spécialement d'une raison politique, mais pareil, parce qu'il considérait plus l'égalité, la justesse et compagnie que toutes sortes d'inégalités. Donc je pense que c'était un personnage très rigide, mais qui après, voilà, qui avait les bons et les mauvais côtés de la chose, quoi. Oui, c'est vrai qu'il me donne l'impression de quelqu'un, effectivement, d'avoir une certaine rigidité, mais apparemment aussi beaucoup de commandes. En français, il était très fair-play, quoi, en même temps. Ouais, parce que Godel, faut imaginer que c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est le mec de 20 ans qui arrive et qui détruit tous tes espoirs d'une vie, quoi. Ouais, c'est fou, ça. Ouais. Et en effet, alors que justement, Cantor, quand il est arrivé, sa théorie des ensembles, ça contredisait pas trop des choses de l'époque, mais il a été persécuté. C'est pour ça aussi qu'il est devenu un peu fou. Ben Godel, oui, en effet, Hilbert n'était pas content du tout, hein, mais a reconnu et a été content que ça ait avancé, quoi. Juste, il n'aimait pas le résultat, mais il acceptait que c'était un résultat. Oui, c'est vrai que c'est remarquable, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires dans la théorie des sciences où il y a des scientifiques qui s'opposent, et parfois, ce n'est pas très beau, effectivement. Hein. Donc oui, on peut le saluer pour ça, ouais. Après, en même temps, en maths, le problème, c'est qu'une fois que c'est prouvé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de dire que c'est faux, mais... Okay. Si personne d'autre n'a de questions, Robin nous a déniché en cours d'émission un extrait audio où on entend Hilbert. Je vous propose qu'on écoute juste 2 secondes, histoire d'avoir une idée de sa voix, maintenant qu'on a un tout petit peu une idée de sa personnalité. Das Instrument, welches die Vermittlung bewirkt, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten, ist die Mathematik. Sie baut die verbindende Brücke und gestaltet sie immer tragfähiger. Robin, tu me traduis ça? J'ai compris qu'une partie, là, sur la fin. J'avoue que j'ai un peu... Il dit des trucs entre penser et observer. C'est là que sont les mathématiques, je sais pas quoi, mais j'ai pas, franchement, j'ai pas eu les phrases en entier, là. Et que les mathématiques sont un pont entre tout ça, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai pas... Voilà. Je suis pas assez bon en allemand pour faire ça à la volée, comme ça. Il faudrait que j'écoute une deuxième fois. Et pour continuer à placer le personnage, je crois que c'est la citation qu'il y a sur... Oui, c'est la citation qu'il y a sur sa tombe, dans le genre aussi. C'est que donc sur sa tombe est écrit « Nous devons savoir, nous saurons ». Nice. Il avait pas froid aux yeux. Et apparemment, il avait quand même des formules qui étaient frappantes et il avait ouais, du toupé. Ouais. Bah, on va voir la quote. J'aime beaucoup cette citation, même si elle n'a pas grand à voir avec les maths. Mais il a en effet des bonnes formules. Ok, écoute, on peut peut-être changer un petit peu l'ordre et puis passer directement à la quote. Non, on peut faire ça. Ouais, soyons fous. Tu la lis en anglais? Alors, en anglais, donc c'est celle qui est en noir, là, c'est ouais. Ça? Okay, when you collect the 10 wisest men of the world and ask them to find the most stupid thing in existence, they will not be able to find anything stupider than astrology. Bravo. Ce qui donne en traduction, donc c'est de David Hilbert. Hein. Irène, tu te lances pour la traduction? Oui, si vous rassemblez les hommes, les 10 hommes les plus sages du monde et que vous leur demandez ce qui est la chose la plus stupide dans l'existence, ils vous répondent, ils ne seront pas capables de trouver quelque chose de plus stupide que l'astrologie. Ça me plaît, ça. Ça me plaît assez, effectivement. Par contre, c'est quand même curieux de donner la citation en anglais alors qu'il a dû le dire en allemand. Mais ouais, bon. Mais je l'ai lu dans un livre anglais, en fait, donc voilà, ouais, j'avoue. Retraduire des traductions, j'hésite à chaque fois. Ça fait partie des devoirs de Robin pour la semaine prochaine. Et sinon, dans les autres trucs sympas qu'il a dit, là, je vais la traduire en français, du coup. Un jour, il découvre qu'un mathématicien est devenu un écrivain de nouvelles, enfin un écrivain de romans, et il dit « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Enfin, non, et les gens à Göttingen se demandent « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ?» Et Hilbert répond « C'est parce qu'il n'avait pas assez d'imagination pour faire des mathématiques, il en avait juste suffisamment pour écrire des romans. » Ah oui, il était percutant. Hein. Alors, on imagine un peu le vieux papy avec la réplique cassante en permanence. Mais bon, après, je dis c'est vrai qu'il faut voir s'il a dit ça sur un ton sarcastique ou si c'était un petit peu moqueur. Ah, je pense que, savoir, mais vu avec lui, je pense qu'il avait un fond, enfin qu'il le pensait quoi. Après, il l'a dit, il l'avait en sarcastique, mais je pense que potentiellement, il le pensait bien. Hein. Potentiellement, c'était sincère. Hein. Je... Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est remarquable. Hein. Bon, je sens qu'on pourrait faire, pardon, on pourrait faire une émission tout entière sur les quotes. On va peut-être enchaîner les quotes d'Hilbert. Donc. Mais t'en avais une autre qui était jolie, peut-être histoire de finir. Ta quote de secours. Ah oui. Mathematics knows no races or geographic boundaries. For mathematics, the cultural world is one country. Ça aurait pu être une quote de GLaDOS aussi, je pense, dans la chatroom. Irène ? Les mathématiques ne connaissent ni les races, ni les barrières géographiques. Pour les mathématiques, la culture du monde, c'est seulement un seul pays. Le monde culturel. Le monde culturel n'est qu'un pays. Enfin, il n'y a qu'un seul pays au monde, en fait. Et donc, il faut mettre ça dans un contexte où ça devait être au début, justement, de la guerre et où tous ces chers collègues se faisaient interdire d'enseigner et compagnie. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, très bon, très bon. J'aime beaucoup les quotes de Hilbert. En fait, il aurait dû écrire un livre, un roman, finalement, parce que c'est vrai qu'il écrivait bien. Hein. Alors, il y a pas mal d'anecdotes sur le bouquin en anglais, donc le e-book, sur ses cours. Et a priori, c'est assez marrant, parce qu'il était très à l'arrache, a priori, dans les cours à Göttingen. Il arrivait sans trop avoir préparé, à tel point que des fois, c'était tellement un fiasco qu'il se barrait en plein milieu en disant « Désolé, j'aurais dû préparer ». Donc, je sais pas. Je crois que c'était pas trop le type de personne à prévoir à l'avance un bouquin sur sa vie ou quoi. Moi, c'est intéressant, hein. Et on comprend pourquoi tu l'aimes bien, au fond. Tu l'aimes bien. Ouais, je sais pas. Il m'inspirait quand même de la sympathie, quoi. Non, et puis, moi, j'ai toujours eu du mal avec la notion du génie. Et là, j'avoue que quand tu vois sa vie et tu te dis, ouais, quand même, il y a des mecs qui percutent un peu plus que d'autres. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va enchaîner avec le pitch. Donc, a priori, le 7 mai, la semaine prochaine, on ne devait pas avoir d'émission, mais je crois qu'il y a eu un petit changement en cours de route. Robin, tu nous parles de ton petit projet pour la semaine prochaine. J'ai le droit de faire peut-être pitch. Alors, vas-y, fais-nous un peut-être. Et après, tu fais un pitch certain dedans 15 jours. D'accord, allons-y. Ouais. Donc un peut-être pitch, si je trouve le temps, qui serait de faire un truc rapidos sur des paradoxes, sur la notion de paradoxe et sur quelques paradoxes. Du coup, ça pourrait être un truc un peu léger avec quelques exemples de paradoxes et de voir en quoi ils sont intéressants ou pas. Notamment, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'il y en a qui sont résolubles à des problèmes de linguistique et il y en a qui sont des paradoxes plus gênants, c'est-à-dire il y en a qui sont plus des amusettes. Et il y en a qui peuvent se réduire les uns aux autres, et il y en a d'autres qui sont vraiment fondamentaux. Ça peut peut-être donner un petit dossier hyper léger, mais un peu sympa. Il faut voir si je trouve le temps de faire ça. Un peut-être pitch pour introduire les paradoxes, ça me semble très cohérent, c'est bien, très bon. Bravo Robin. Bravo. Donc on se retrouve... il y a David Loureiro qui nous demande dans la chatroom si tu vas parler par exemple du paradoxe du barbier. Bah, j'en avais déjà parlé. Le paradoxe de Russell dont je parlais là, c'est le paradoxe du barbier aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est le même sous plein de formes, celui-là on est obligé. On a déjà parlé trois fois là maintenant. Okay. On est un peu obligé d'en parler sur un truc sur les paradoxes. Mais... Donc ouais. Le 7 mai, podcast paradoxal ou pas, on verra. Et puis que ça se fasse ou pas, de toute façon on sait déjà que le 14 mai on va recevoir Sylvie Tissot qui va nous parler d'ordinateur quantique. Je vous avoue que je ne sais pas très bien de quoi on va parler encore à ce stade, non seulement parce que le sujet m'intimide quand même vachement, et en plus, je n'ai pas du tout eu l'occasion de commencer à préparer l'interview. Mais tout ce qu'on peut en dire pour le moment, c'est qu'un qubit n'est pas un gros mot, que la technologie ouvre théoriquement des portes à des applications révolutionnaires, que les bugs dans un monde d'ordinateurs quantiques promettent d'être assez costauds. Parce qu'en gros, si on a des bugs aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pratiquement jamais à anticiper tous les comportements possibles d'un système informatique. Alors que les processeurs les plus performants sont quand même assez stupides. Ils connaissent que deux états à un instant donné, c'est soit 1 ou 0. Alors que le processeur d'un ordinateur quantique, si j'ai bien compris, connaît potentiellement une infinité d'états à n'importe quel instant. Donc vous imaginez la difficulté à tout anticiper. Bref, ce sera une conversation sympathique avec l'une des rares personnes qui a l'air d'y comprendre quelque chose, Sylvie Tissot. Donc ce sera le mercredi 14 mai à 20h30. Et si vous avez des questions particulières à lui poser, ben, n'hésitez pas, ça m'arrangerait vraiment bien en l'occurrence un petit coup de main pour préparer cette interview. Envoyez vos questions à podcastscience@gmail.com, j'essaierai de les intégrer dans l'interview. Cool. Ça fait longtemps que j'entends parler et que j'ai envie de comprendre quelque chose. Par contre, le coup de dire que Qubit, c'est pas une, c'est un peu gros, quoi. C'est... Moi, je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est quand même une insulte. Enfin, d'une certaine manière, c'est. Ouais, j'allais dire que ça dépend des deux composants, mais je vais peut-être pas, je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. On enchaîne avec les plugs. Yes. Les bonnes nouvelles d'abord. Alors, non seulement il n'y a pas un, mais deux nouveaux podcasts en lien avec la science à annoncer. C'est le printemps, c'est merveilleux, ils arrivent. Tout d'abord, Lisez la science, qu'on trouve sur PodCloud. Donc, Lisez la science, tout collé en un mot, .podcloud.fr. À partir de tout de suite, le premier épisode est déjà sorti. C'est notre ami David Loureiro qui nous propose cette nouvelle prestation. Ben, je vous propose qu'on écoute son teaser. Bonjour à tous, Lisez la science est un podcast dédié aux livres de science. L'idée de ce podcast est de faire des revues de livres scientifiques ou traitant de sujets scientifiques. L'objectif est d'en montrer un aperçu qui vise à donner envie de pousser la découverte et de les lire. Je me nomme David Loureiro et je serai votre hôte à chacun des épisodes de ce podcast avec peut-être des invités de temps en temps. Ce podcast n'a pas pour vocation à critiquer les théories qui sont décrites dans les livres dont seront faites des revues, car je ne suis pas spécialiste des domaines abordés. Je n'ai pas non plus la prétention d'être un critique de livres, je n'ai pas de formation littéraire et je ne ferai donc pas d'analyse sur les formes de discours utilisées ou ce genre de choses. Juste une revue de livres avec mon opinion, dont le but est de donner envie aux auditeurs de pousser la lecture. Concernant la périodicité, il est prévu, ou tout du moins il serait bien, qu'ils paraissent toutes les deux semaines dans un premier temps. Nous verrons par la suite s'il s'avère intéressant que le rythme de parution soit plus élevé ou pas. Le premier épisode pilote devrait arriver d'ici peu, nous verrons bien si cela intéresse et si des poditeurs accrochent. En attendant, vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast sur iTunes, vous cherchez Lisez la science, tout accroché, L-I-S-E-Z, la science, ou sur la page PodCloud dédiée, qui est http://liselascience.podcloud.fr. Vous pouvez aussi suivre Lisez la science à travers son site web, liselascience.wordpress.com, liselascience.wordpress.com, son compte Twitter, @liselascience, tout accroché, liselascience, ou la page Facebook associée du même nom. Tout est à peu près prêt et je me réjouis de vous retrouver. À très bientôt. Yeah, donc on vous invite à vous abonner tout de suite, plus vite que ça. C'est vraiment super bien. Bravo David qui est dans la chatroom. Moi je suis heureux, très heureux de t'accueillir comme compère dans la podcastosphère et je souhaite longue vie à Lisez la science. Ouais, super. Ouais, très bonne idée. Yep. Nico, je crois que tu y es un petit peu pour quelque chose, non ? T'étais un peu manigancé quelques... Bon, mais ça vaut même pas le coup de le dire, parce que j'aurais été dans le coup, ça aurait pas été aussi vite. Et j'aime beaucoup le format que moi j'aurais fait plus long, donc ça vaut pas le coup de dire que j'étais dans le coup. Bon, mais on sait quand même que t'as un petit peu manigancé dans les coulisses. Ouais, voilà, ça me tâtait aussi de faire des critiques de bouquins et compagnie. Finalement, j'ai pas eu trop le temps et j'en ai parlé à David. Finalement, j'ai un peu laissé tomber l'idée et lui avait plus envie que moi, a priori, vu que ça se fait, quoi. Non, mais c'est bien, Nicotube, générateur. Mais après, c'est vrai que ça, c'est le deuxième podcast qui se crée grâce à moi, faut c'est le ça. Dire. C'est bon, t'as trouvé une vocation, là. C'était quoi, l'autre ? Bah, l'autre, on va pas en parler, parce que je crois qu'ils diffusent plus. Je crois pas qu'ils aient définitivement abandonné, encore simplement. Ouais, il y a eu un peu de relâchement de ta part. À chaque fois que t'allais les emmerder en leur disant « Je veux que vous publiez tout ça demain à 16h », c'est bon, ils l'ont fait. Oui, c'est vrai. Faut que je leur redemande, en fait. Non, c'était un des sciences. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tout à fait. Et puis, donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas un nouveau podcast, mais deux nouveaux podcasts dans la podcastosphère scientifique. L'autre, il n'est pas encore là, par contre. On pourra l'entendre à partir du 28 mai. Vous avez déjà un site web qui explique un peu de quoi il s'agit, un compte Twitter, tout ça. C'est Anthropodcast, donc qui parlera d'anthropologie. Et c'est notre ami Jonathan de VoyageCast qui s'est découvert une passion tardive pour l'anthropologie et puis qui... voilà, il a envie de s'y mettre, il a envie de partager, il a envie d'utiliser le format du podcast pour nous faire aimer l'anthropologie. Alors là aussi, longue vie à son podcast que j'ai hâte d'écouter. En fait, en insistant un petit peu, il m'a fait écouter déjà le premier épisode et c'est vachement cool. Bah, impatient aussi d'écouter. Quand tu m'as dit que tu avais écouté le premier épisode, je voulais écouter, bien sûr. Je ne fais pas partie des privilégiés. Ouais, non, c'est un privilège d'initié, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis bah, d'ailleurs, en parlant de VoyageCast, un petit plug en passant, il fête bientôt ses 2 ans. Et invite ses poditeurs et les nôtres à lui poser des questions pour l'occasion. Donc il y a une page spéciale sur son site web, voyagecast.ch. On mettra la page dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Et puis en fonction de ça, il va construire une émission sur mesure pour fêter son anniversaire. Et puis... C'est la lutte finale. Ah voilà, c'est bon, on est bien là. C'est bon, tu peux faire ton truc. Ok, toujours l'événement du siècle, montage, parce que je pense qu'il sera déjà passé au moment où pas sûr. Il sera disponible. Donc ne manquez pas, ce samedi 3 mai à 18h30 au G60 à Lausanne, la première conférence que célèbre Podcast Suisse à l'occasion de son premier anniversaire. On va parler de la radio, donc c'est la thématique qu'on a retenue, selon nos perspectives respectives. Donc ce sera l'innovation, le voyage, les relations internationales, les sciences, et même les maths aux dernières nouvelles, puisqu'on aura la chance d'avoir un représentant du syndicat des Français de Podcast Suisse, c'est juste? Tout à fait. Et je pose une RTT ce jour-là, donc je pense que je ferai rien. D'accord, et pour les Suisses, poser une RTT, ça veut dire? Ça veut dire poser un jour de congé, mais qui n'est pas pareil, parce que en fait c'est des rattrapants, des 35 heures, tout ça. Je vois. On aura également des interventions de gens sérieux, heureusement. On aura un vrai homme de radio qui sait de quoi il parle, Mathieu Chevrier, que vous entendez régulièrement dans Médialogue sur la première, c'est la chaîne généraliste de la RTS. Vous entendrez également Patrick Béja, podcasteur en série. Qui fait partie du syndicat aussi. Ah ouais, tu l'as enrôlé, mais il sera pas... On est automatiquement syndiqué dans le syndicat des Français de Podcast Suisse. Quand on est français, ouais. Je vois. Donc il sera en duplex de Paris si la magie de Skype est avec nous et qu'il n'y a pas trop de grève chez nos voisins hexagonaux. Donc c'est le samedi 3 mai à 18h30 au G60 à Lausanne. Il faut vous inscrire soit sur Facebook, il y a un événement sur la page de Podcast Suisse, soit sur Eventbrite. Là aussi vous trouvez tous les liens depuis Podcast Suisse ou depuis les comptes Twitter des différents podcasteurs. On n'arrête pas de bassiner tout le monde avec la date. Ce serait cool, c'est surtout une occasion de se voir et puis de boire un verre ensemble. Donc on a hâte de vous y retrouver. Et puis maintenant, place aux mauvaises nouvelles. Notre dictateur nous lâche, c'est ça? J'ai bien compris? Non, je ne vous lâche pas. Je m'éloigne un peu quelque temps. Non, mais comme certains le savent, je crois que j'en avais déjà vaguement parlé, je fais de l'improvisation parfois à côté, j'en ai moins fait ces temps-ci. Et je vais jouer au Festival d'Avignon début juillet. Et donc pour jouer au Festival d'Avignon, il faut que je m'entraîne un peu. Et manque de peau, les entraînements sont le mercredi. Du coup, je ne vais pas finir la saison avec vous. Enfin, je devrais repasser quand LJJ va venir quand même, sans doute, mais pas trop à d'autres moments, sauf si on déplace le jeudi, quoi. Donc, si on déplace au jeudi, on peut pas avoir Robin, c'est ça? Robin, il vient encore? Mathieu, je vous jure. On va essayer de gérer ça. Ça peut être aléatoire, jeudi, mercredi, on tira pile ou face toutes les semaines, c'est une bonne organisation. Non, on a déjà une grosse partie du programme qui est prévue, donc c'est pour ça que vous devriez moins m'entendre. Mais je serai de retour après, il n'y a pas de raison. Ben on va conclure, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes, de tweets, de retweets, de dons, de cadeaux, on est preneurs de tout. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, sur Twitter, iTunes, Google+, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos poditeurs et poditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. Merci à Pouillot qui nous a fait des dessins magnifiques dans la chatroom. Merci à Nico pour son dossier sur Hilbert. Merci à Robin qui va nous pondre un truc magnifique au pied levé pour la semaine prochaine. On se retrouve donc le 7 ou le 14 mai, mais moi je penche pour le 7, sur live.podcastscience.fm. À 20h30 dans la chatroom. D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Servir la science. Celui-là, je me souviens qu'il m'avait fait marrer. C'est lui qui l'avait trouvé, c'était pas moi. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Elle est bien, celui-là. Mais il y a du fromage en Suisse. Ouais, ils ont piqué ça aux Savoyards, je crois. Tu vas te faire refouler à la frontière. Non, je vais leur dire que je vais voir un ami suisse pour manger une fondue savoyarde. T'es mal barré. Et quand il te demandera si t'as quelque chose à déclarer, faut pas lui déclarer qu'il a un gros nez. Bon, t'es un peu salaud d'avoir annoncé que je quittais le podcast là, de Dictateur, parce que c'est moi qui vais me taper les montages derrière. Ouais, mais les montages pour les gens, ça compte pas. J'ai le droit ou pas ? Bon, on corrigera le tir. De toute façon, ça veut dire quoi, j'ai le droit ou pas ? Est-ce que tu peux te définir comme si tu allais respecter le droit qu'on te donne et pas mais faire... Mais si, quand tu me dis de pas faire un truc, je le fais pas, sauf qu'en général, t'oublies de me dire. Et tiens, puisque je vous ai sous la main, puis qu'on a la chatroom aussi sous la main, info ou un tox ? Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit que si je voulais commander des billets d'avion sur un site en particulier, il fallait pas que je les commande depuis un Mac, parce que ce serait plus cher. Vous y croyez, vous ? Moi, je pense que c'est possible. Je sais bien que techniquement c'est possible. Mais... Non, mais même au-delà de techniquement, je pense que c'est. Enfin, les prix des billets d'avion, moi j'ai un pote qui a bossé dans les trucs d'optimisation, et ils optimisent avec toutes les variables qu'ils peuvent avoir. Et ils essaient de vendre au prix le plus cher par rapport à ce qui peut être acheté et compagnie. Et s'ils ont remarqué que les mecs avec un Mac étaient prêts à payer plus cher que les mecs avec un PC, ils ont tout à fait plus à optimiser dans ce sens-là. Hein. Et c'est prouvé parce qu'aujourd'hui, tu prends les devices Apple par rapport aux devices non Apple. En moyenne, les gens avec un device Apple payent plus, donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient ce genre de raisonnement, ou que du moins ils le testent, si c'est pas permanent. Il faudrait que je fasse l'essai en fait, exactement au même moment. Mais c'est assez compliqué de faire l'essai parce que les prix sont optimisés en permanence, c'est une grosse différence avec le train. Du coup, pour comparer, il faudrait que tu le fasses un peu longtemps et de manière scientifique, quoi. Ok, ah mais attends, disons, c'est vachement bien de crowdsourcer ce genre de questionnement. On a déjà plein de réponses. GLaDOS qui dit que c'est vrai, Pascal qui dit que c'est Safari sous Windows.